tous ensemble, on se reflète tous en tous en chien, chien dans l'argent. On fume la même drogue, tous plus ou moins stone. On a le même sang, rouge sang, rouge sang. Porter les mêmes fringues, zoné à l'instinct. Petit deal qui rapporte, l'uniforme se rapproche. Entrée de boîte, refusé. Appartement déjà loué. Pas de beau, pas de blé, pas de fée. Qui exauce les vœux, ça serait trop beau pour être vrai. Boulot minable, logement minable. Embrouille à la con qui s'installe. T'as vu les infos au journal. La guerre, la faim, la misère sur la terre. On nous culpabilise pour ce que l'on a et ce que l'on voudrait avoir. Accoudé au comptoir, boire, boire jusqu'au coma. Junkie dans une cave se fixe. La seringue toujours dans le bras. Croire au paradis, voir la vie pour milliers à travers une fenêtre. Sans jamais oser sortir. Ça tire, coup de feu dans la nuit. Ça hurle, c'est la peur qui nous nuit. Trimer toute une vie, se vider pour donner des études à son fils. Faire le vide autour de soi, toi, de toi à moi, moi. J'y crois, dur comme fer à cette loi. Manger ou bien être mangé, c'est que t'es une proie. De plus sur ma liste, l'homme est un loup pour l'homme. Même si cela attriste, triste est la réalité. Grise comme ce ciel ombragé. De la paix à la guerre, de la vie à la mort. De la joie à la peine, tout s'embrouille dans ma tête. La lumière ne se fait pas, je m'entête. Entraîné par la haine, vers le bon sens qui était le mien. 200% du son dans le sang. Reconnais nos sentiments. Les faits divers se multiplient dans le sang. On y est, on y reste. Est, sud, nord, ouest. 200% on y est, on y reste. Pas de paix sans guerre, une guerre pas de fin. 200% on y est, on y reste. Est, sud, nord, ouest. 200% on y est, on y reste. Pas de paix sans guerre, une guerre pas de fin. Aujourd'hui, les armes sont en vente, les armes également. Tu peux acheter des enfants pour faire la guerre si ça te chante. Tout a un prix, telle est la loi du capitalisme. Elle est la proie de nos cœurs avides. Le mien gise à terre, transpercé par un talon aiguille. J'ai cette chance de pouvoir souffrir d'un mal de cœur, de ne pas souffrir d'un ventre vide. J'ai l'esprit et l'estomac bien rempli. Sache que notre rap ne se confond pas dans la complainte. Sache que notre rap est né de deux cultures et a pour essence la restructure. 200% hip-hop conscient, la plume et le sang. SKR, RMS. Le temps d'une chanson, si seulement. Le temps d'une chanson, l'on pouvait stopper les fusions de sang. 200% hip-hop conscient, la plume et le sang. SKR, RMS. Le temps d'une chanson, si seulement. Le temps d'une chanson, l'on pouvait stopper les fusions de sang. 200% hip-hop conscient, la plume et le sang. SKR, RMS. Le temps d'une chanson, si seulement. Le temps d'une chanson, l'on pouvait stopper les fusions de sang. 200% on y est, on y reste. Est, sud, nord, ouest. 200% on y est, on y reste. Pas de paix sans guerre, une guerre pas de fin. 200% on y est, on y reste. Est, sud, nord, ouest. 200% on y est, on y reste. Pas de paix sans guerre, une guerre pas de fin. Une guerre pas de fin. Une guerre pas de fin. Une guerre pas de fin. Une guerre pas de fin. Une guerre pas de fin. Une guerre pas de fin.